bosse une heure, ça en fait 12. Qui s'étonne pas qu'on les jalouse. Qu'ils soient chômeurs, moi ça me résiste. Ils sont artistes. C'était les intermittents, les intermutants, les interminables. Tout en comme des clignotants, un côté brillant, un côté minable. J'aurais pas cru que de faire le con, ça soit un métier pour de bon. Mais qu'est-ce qui nous trafique avec leurs acédiques? Paraît même qu'il y en a qui trichent en remplissant leurs fiches. Tous ceux qui passent à la téloche, ils s'en foutent plein les poches. Sans doute que ceux qu'on voit jamais, ils sont mauvais. Et toujours, toujours, ils se plaignent. Moi, je trouve ça mériterait des beignes. Ils ont qu'à se lever le matin, comme les copains. C'est eux les intermittents, les intermutants, les interminables. Tout en comme des clignotants, un côté brillant, un côté minable. J'aurais pas cru que de faire la fête, ça vous donnait des points de retraite. Voilà type qui se syndique, vu que leurs acédiques, ils y comprennent pas grand chose. Ils en tiennent une dose. Ils font la queue pendant des plombes. Des fois, il y en a qui tombent. Ils ont jamais le papier qu'on veut. Ils refont la queue. Je te le dis, moi, faudrait qu'on me paye pour aller mendier mon oseille. Même que souvent, ils la reçoivent pas avant des mois. C'est eux les intermittents, les intermutants, les interminables. Tout en comme des clignotants, un côté brillant, un côté minable. Faut croire que les coups de pied au cul, c'est remboursé par la sécu. Qu'est-ce qui nous panique avec leurs acédiques? V'là qu'ils se mettent à faire la grève. Non, alors là, je rêve. Suppose que tous ils abandonnent, ça dérangerait personne. Y aurait que des jeux à la télé, ça serait le pied. Remarque, ils se laissent pas abattre. Ils s'en vont jouer dans des théâtres. Je vois vraiment pas qui c'est qui ira payer pour ça. C'est eux les intermittents, les intermutants, les interminables. Tout en comme des clignotants, un côté brillant, un côté minable. Je parie que tordus comme ils sont, ils vont même en faire des chansons. C'est eux les intermittents, les intermutants, les interminables. Tout en comme des clignotants, un côté brillant, un côté minable. Bien, eh bien, on va passer aux actualités d'attaque avec René Lascience. Oui, donc alors, au plan national, des activités d'attaque, c'est d'abord l'anniversaire des promesses non tenues. Communiqué de plusieurs organisations, dont Attaque France, qui nous rappelle que voici 5 ans, le 15 septembre 2008, la faillite de Lehman Brothers nous précipitait dans une crise financière et économique dévastatrice. À l'époque, les leaders européens nous ont fait des promesses ambitieuses de régulation. 5 ans après, force est de constater que, malheureusement, le résultat est décevant. Les organisations à l'origine de ce communiqué proposent des mesures pour l'instauration d'une véritable réforme financière. La Déclaration transatlantique des droits des multinationales. Publication par Attaque du rapport rédigé par le réseau Seattle to Brussels Corporate Europe Observatory et Transnational Institute sur les dangers de l'accord de libre-échange et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis, le fameux PTCI. Globalement, ce rapport de qualité met en lumière la menace qui pèse sur la souveraineté politique et la démocratie. Alternativa. Ensemble, construisons un monde meilleur en relevant le défi climatique. Alors, faisant écho au 5e rapport du GIEC sur le changement climatique, s'est tenu le dimanche 6 octobre à Bayonne, un village des alternatives au changement climatique et à la crise énergétique. C'était Alternativa qui avait pour objectif de sensibiliser le grand public et les élus à l'urgence climatique, de combattre le sentiment d'impuissance et la démobilisation, d'appeler à mettre en route sans plus attendre la transition sociale, énergétique et écologique. Cette manifestation, dont ATTAC était partenaire, a rencontré un vif succès avec plus de 10 000 visiteurs, des centaines d'initiatives et d'expériences alternatives exposées, des dizaines de conférences et de débats. Il s'agit maintenant de consolider et d'étendre le mouvement. Ce sont 10, 100, 1000 alternatives dont nous avons besoin d'ici à 2015. Ça ressemble à une phrase de Che Guevara, ça tient. Vas-y. Ensuite, la Journée mondiale de l'alimentation et Marche mondiale contre Monsanto, c'était le samedi 12 octobre. Pour cette journée, un rassemblement s'est tenu à Paris, place Stalingrad, organisé par le collectif citoyen, les Engraineurs, ATTAC et la Confédération paysanne. Et certainement bien d'autres. Ensuite, le Global Fracdown, ou la Journée mondiale contre la fracturation hydraulique. C'est une mobilisation contre l'exploitation des gaz et pétrole de schiste et contre les gaz de couche, à laquelle, bien sûr, s'associe ATTAC. Et c'est aujourd'hui, ce samedi 19 octobre. Des actions sont prévues dans de nombreux pays et en France dans plusieurs villes, dont Lille. Et à Lille, le rendez-vous est prévu à 14h, place de la République. Une animation est prévue également de 14 à 15h. Et à 15h, c'est le départ du cortège vers la place du Général de Gaulle. Venez nombreux. Ceci à l'initiative du collectif Ouyouyouy non au gaz de couche, dans lequel plusieurs membres d'ATTAC Villeneuve-d'Ascq, notamment, sont impliqués. Et enfin, les 15 ans d'ATTAC. Eh bien oui, fondée en 1998, ATTAC fête cette année ses 15 ans. Et ce sera le vendredi 15 novembre en soirée au Cabaret Sauvage, parc de la Villette à Paris. Cette soirée exceptionnelle sera ouverte au public. Ben, il ne manquera plus que ça. Voilà. Au plan local, alors, donc, on a deux choses à annoncer. La première, que c'est en train de se constituer un collectif pour la gratuité des transports en commun. Et j'y ai participé. D'ailleurs, ça commence à être intéressant. On a pas mal de personnes, mais on en attend d'autres. On n'a pas vu le Front de Gauche, mais je sais qu'il est partisan de la gratuité des transports en commun. Autre chose, nous organisons une conférence sur le théâtre politique des paysans indiens. On profite de la venue en France de Sanjoy Ganguly, qui est un des créateurs du théâtre de l'opprimé en Inde et qui va nous parler le 4 novembre à la maison de quartier Vauban et Kerm à 20h du théâtre en Inde et du théâtre populaire fait par les paysans eux-mêmes. Le collectif Ouronais. Oui, alors, eh bien, une nouvelle d'importance, le théâtre de l'opprimé dont on vient de parler devient membre du collectif. Et déjà, un projet se met en place avec des volontaires, membres du collectif, bien sûr, une représentation théâtrale appelée Démocratie, bon, c'est un petit jeu de mots, qui se tiendra le vendredi 22 novembre à 20h à la Maison Folie de Oisem. Dans l'objectif de populariser la régie publique, un effort est mis sur la communication et la visibilité du collectif, notamment envers le grand public. Donc, on le voit déjà avec ce projet théâtral, mais aussi avec notre participation au débat qui a suivi la projection du film « Sousous Yaz » le 17 octobre à la salle Olympia de l'Homme. Il est prévu également de reprendre contact avec la presse, de faire vivre davantage la page Facebook et le blog, d'avoir recours à la bande dessinée pour diffuser un message plus simple et clair par tract ou sur Facebook. Nous n'oublions pas, bien sûr, la perspective des municipales avec l'interpellation des candidats. Et nous maintenons nos rassemblements devant le siège de LMCU à chaque réunion du conseil communautaire. Et le dernier, c'était hier, vendredi 18 octobre, de 13h à 14h, où nous avons rassemblé une quarantaine de personnes, enfin, il est vrai, avec le collectif pour la gratuité des transports en commun qui nous a rejoints.

Et de plus, le Conseil d'orientation n'envisage pas du tout la possibilité d'une nouvelle crise financière et économique qui pourtant revient régulièrement maintenant une à deux fois par décennie. Vous comprenez bien que si les rapports officiels faisaient état d'une possibilité, même avec une probabilité faible, de retour des crises périodiques, ils ruineraient l'objet même de leurs investigations et de leurs préconisations. En effet, on va s'arrêter là pour faire une pause musicale. À tout de suite. D'accord. Après la pause. C'est le chemin de ma petite usine. Même que mon vélo y allait tout seul. 6 heures moins le quart, 6 heures et quart, un double café noir. C'était pas l'usine cernée par des grilles. On ne pointait pas, on disait bonjour. Je faisais des bottines avec ma machine, une Cobra 19 modifiée 33. Alors bien, super bien. Oh là là, c'est long, la retraite. Oh là là, c'est long. Ça te rend gaga, la retraite. La retraite, c'est con. Ça te rend grognon, la retraite. Ça te rend bougon. Ça te fait tout vieux, la retraite. La retraite, pas bon. V'là dis pas qu'un jour, on se fait une petite grève. Le patron et nous, juste pour essayer. Aux champignons, cria le patron. Un soir, on était tous noirs. Là, le retour des jeunes qui étaient militaires. Leur faut du travail, quoi de plus normal. J'ai reçu ma lettre, il faut partir. Est-ce que ma machine va devenir sans moi, toute paumée. Voilà, c'est long, ma retraite. Voilà, c'est long. Ça te rend gaga, la retraite. La retraite, c'est con. Ça te rend grognon, la retraite. Ça te rend bougon. Ça te fait tout vieux, la retraite. La retraite, pas bon. Alors j'ai raccroché musette et gamelle. Mais je vais de temps en temps jeter un coup d'œil. Car y a un scandale. Il paraît qu'ils vont virer ma machine, comme moi, tout comme moi. Oh la retraite, oh là c'est long. Ça te rend gaga la retraite, c'est con. Ça te rend grognon la retraite, ça te rend bougon. Ça te fait tout vieux la retraite, la retraite. Pas bon. Pas bon. Bien, eh bien, on reprend l'émission avec Jean-Marie Arribé qui nous téléphone de Bordeaux. On a sous les yeux tous les trois, tous les quatre, retraite, l'alternative cachée, dont vous êtes, dont tu es un auteur, Jean-Marie. Et on est intéressé par les faire entendre sur les ondes de Radio Campus les propositions alternatives. Alors. Je vais les placer à deux niveaux. Premier niveau, celui assez terre à terre, mais quand même fondamental, bien sûr, du financement. Et puis celui des enjeux

Petit réglage, non. Ce petit livre, c'est un petit livre de moins de 100 pages, qui est une conférence de Dominique Méda en 2008, que les éditions de l'Aube ont eu la bonne idée de rééditer en 2013. Dominique Méda est une philosophe devenue sociologue, et bien lui en a pris d'ailleurs d'être les deux à la fois. L'idée de départ avancée par Dominique Méda, c'est qu'il est temps de déplacer la production vers des secteurs et des activités moins générateurs de destruction de capital naturel, moins générateurs aussi de gains de productivité. Faisant écho d'ailleurs au livre de référence à attaque de Adieu à la croissance de son ami et de nôtre d'ailleurs, Jean Gadret. Et notre auteur, pour nourrir sa thèse, de faire un retour sur une vaste enquête sociologique des années 2000 sur la perception du travail dans un certain nombre de pays européens. Que pensent les Européens du travail ? D'abord, que le travail occupe une place très importante dans leur vie. Cette importance varie de 40 à 80% selon les pays. Bonjour les écarts quand même. Aux extrêmes, on trouve les Danois et les Britanniques, 40%. Un peu plus de 50% en Allemagne et en Grèce, et dans la fourchette haute des pays, les pays les plus pauvres d'Europe, la Lettonie, la Pologne et Malte, à l'exception notable de la France, qui est nettement en tête des pays de l'Europe de l'Ouest avec 70%. On comprend bien que cette singularité a excité la curiosité de notre sociologue philosophe. D'accord, le travail est un moyen de gagner sa vie, mais c'est aussi un moyen de s'exprimer, de se réaliser et de participer à un collectif. Eh bien, ce sont ces derniers aspects qui chatouillent les travailleurs français, figurez-vous. Car les Français sont les plus critiques de leur vie au travail, pas contents de leur hiérarchie, contrairement aux Britanniques et aux Danois, pas contents de l'organisation du travail, pas contents de la pression sur leur travail, sur son intensification, mais contents, en un mot, du stress au travail, sans parler de l'insécurité et de la précarité qui vont avec. Bref, en dépit de l'importance qu'ils accordent au travail dans leur vie, les Français sont frustrés, désillusionnés. Leurs compétences ne sont pas reconnues, pas plus que la qualité de leur travail. C'est peut-être pire pour les femmes, qui considèrent plus que les hommes que le travail est un élément de leur identité. Alors du coup, les Français pensent que le travail déborde trop sur le reste de leur vie. Et si 60% des Européens désireraient consacrer plus de temps à leur famille, les Français sont 75%. Paradoxe, nous dit Méda, les Français attendent beaucoup de leur travail et leur travail ne satisfait pas cette attente. Mais nous pouvons faire mieux. Au dernier chapitre du petit livre, il y a des pistes. Faut-il aller avec Marx, se désaliéner du travail jusqu'à l'abolition du salariat ? Germain est d'accord. Une vraie révolution ? Il nous faut au moins, dit Dominique Méda, mettre en place les conditions de libération du travail. Y sommes-nous prêts ? Interroge-t-elle. Commençons par le commencement et tâchons de respecter les recommandations du Bureau international du travail, dont on ne parle pas assez à mon avis, et qui lui parle de travail décent, et qui devrait comporter un certain nombre de caractéristiques qui donneront à l'emploi une autre qualité. L'égalité entre hommes et femmes, on va commencer par là, la santé, la sécurité au travail, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, du coup, le dialogue social, la participation des travailleurs, une formation tout au long de la vie, la non-discrimination. Ce serait déjà ça. Mais force est de constater que l'emploi de qualité n'est pas un objectif majeur de l'Europe, malgré les velléités de Jacques Delors en son temps. Pour conclure, et je conclus là-dessus, Dominique Méda reprend à son compte les idées d'un certain Godinot, et que j'adresse au MEDEF qui nous écoute évidemment. Le travail ne peut être une participation à l'œuvre commune qu'à condition que l'on change totalement la définition de l'entreprise. L'entreprise, selon Godinot, doit résulter d'un contrat fondateur entre les parties prenantes, c'est-à-dire les parties apporteurs de capitaux et les apporteurs de compétences. Il faut une assemblée générale des salariés de l'entreprise pour élire leurs représentants au conseil de surveillance. Rien que ça. Méda dit qu'elle est totalement d'accord avec Godinot et nous donc. Ce petit livre, Le travail de la révolution nécessaire, est paru dans l'édition de l'Aube en 2013. Il coûte 7 euros pour 94 pages. Et bien donc, on va passer avec Florent, au calendrier, à l'agenda. Oui, bonjour. Je vais enchaîner sur ce thème du travail, parce que cet après-midi, à 16h, il y a un ciné-débat sur repenser le travail à l'archive du travail de Roubaix, organisé par Travail et Culture, avec la projection du film Entrée du personnel sur les conditions de travail dans un abattoir. Et cet après-midi aussi, à 16h, à l'Insoumise, à la bouquinerie occupée, à l'île Moulin, il y a une discussion qui est intitulée « Prolo dégage, la mairie aménage sur la gentrification du quartier Moulin ». Ce lundi 21 octobre, il y a deux rencontres-discussions sur les mouvements sociaux dans le monde. La première, une discussion sur les mouvements sociaux brésiliens. En juin 2013, environ 1 million de personnes dans une dizaine de principales villes du Brésil manifestent à l'origine de ce mouvement la hausse du prix des transports publics pendant que l'État prépare le mondial de football à coût de milliards. Et donc, le CCL propose de discuter de ces mouvements sociaux avec le témoignage de Rodrigo qui vient de Sao Paulo. Autre pays, l'Islande, qui en 2007 est touchée de plein fouet par la crise des subprimes et de la finance, se met à l'époque alors rapidement en place une révolution citoyenne qui conduit à un renversement du gouvernement et une écriture d'une nouvelle constitution. Et donc, Histoire de savoir propose à l'Univers, le lundi 21 octobre à 20h30, une discussion autour de cette situation islandaise. Le mardi 22 octobre, la projection du film « Enfant valise » avec Réseau Éducation sans frontières a lieu au Kinociné. Donc, ce film nous fait partager le quotidien d'une classe d'accueil pour adolescents migrants. Le 23 octobre, au Café Citoyen, 19h30, Colores Latino propose une discussion Café Citoyen sur la situation des indigènes au Chili. Le 26 octobre à 15h, le MRAP diffuse au cinéma L'Univers un petit documentaire de 35 minutes intitulé « Nous sommes tous des étrangers » pour aborder dans un débat la manière de lutter aujourd'hui contre toutes les formes de racisme et quels sont les moyens pour les combattre demain. Le 1er novembre, une projection d'octobre à Paris par l'association Schfeid. Ce documentaire reconstruit la nuit sanglante du 17 octobre 1961 à Paris suite à l'instauration d'un couvre-feu pour les Algériens. Il faut rappeler que les rares documents de cette nuit furent longtemps censurés par l'État français. Alors, du 1er novembre au 3 novembre, il y a le Festival du cerveau disponible. Donc contre la publicité, organisé par Résistance à l'agression publicitaire, le collectif des débouluneurs et les objecteurs de croissance de Lille. Donc au programme, des conférences, débats, des projections, des ateliers, une expo, une action et beaucoup de rencontres, avec comme invités Vincent Chesnay, François Brune et Bernard Legros. Le 10 novembre, toujours à l'Univers, vous pourrez redécouvrir le village autogéré de Marina Leda en Espagne par une projection du documentaire Marina Leda, l'utopie vers la paix. Donc c'est le dimanche 10 novembre à 19h30 par l'association L'An Zéro Cap Autogestion. Le mardi 12 novembre à 18h30 à l'espace Marx organise une discussion sur la performance et l'évaluation totale toujours plus présente dans notre société avec les intervenants Florence Jani Catrice, économiste à Lille 1, et Isabelle Bruno, sociologue à Lille 2. Et donc vous pouvez retrouver toutes ces dates sur le site de Démosphère Lille, lille.demosphère.eu, et n'hésitez pas à ajouter les rendez-vous directement sur les sites et à vous inscrire pour recevoir tous les rendez-vous par mail. Merci, à dans 4 semaines. Merci Florent. Donc l'émission se termine. Je rappelle sur les retraites le petit ouvrage paru chez Sileps de la Fondation Attaque et de la Fondation Copernic. Retraite, l'alternative cachée. Vous trouverez ça chez les bons libraires. On en connaît un rue de Valmy, nous. Et puis n'oubliez pas de réécouter notre émission sur Radio Campus ou sur le blog d'Attaque Lille. Nous vous souhaitons tous ensemble un excellent week-end. J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène.